un morceau. Chantons tous ensemble ce signal, ce qui nous rassemble pour le carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont les fameux gaillards pour les fêtes et pour les bals du carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont les fameux gaillards pour les fêtes et pour les bals du carnaval. Chahut! Pour pisser.